décidé pour me convertir, pour me venir jouer nous Jésus. Merci Jésus, parce qu'on mettait nos vrais chemins. Bon, tu m'as dit pardon pour tout péché. Moi, fait, moi, c'est un ignorant qui bat comme ça, t'a fait. Moi, de ses têtes bien. Mwen koube m'an babye, mwen respekte nan ou, paske ou te chanje la vi. Mwen pale, mwen pale l'anpil, mwen pale fitme l'anpil. Parce qu'on mettait nos vrais chemins. Mwen te gen troa lanku, mwen kon jalou sou moun, mwen te yon hipokri. Mwen te yon adulte, mwen tap servi idol. Merci bon Dieu papa, pou te tou chanje ke mwen. Bon de bon Dieu, Seigneur. C'est ça, je n'en m'en fais, Seigneur. Ban mwen fòs, ban mwen zouti pou msi maye l'évangila. Sèl mwen ki konnen, kote mwen teye. Mèsi Jezu, paske ou metèm nan vre chemen. Seigneur, papa, nous qui nous ciel là. Je dis merci, dis fait que t'es qu'à changer quand même pour venir faire mieux mon nouveau aujourd'hui. Moi pas touiller mon encore. Moi pas parler mon mal encore. Moi pas parler prochain pareil, moi mal encore, Seigneur. Nous dis merci, papa, parce que changer quand même aujourd'hui à venir mon cap chanter pour mon gloire, même seul qui méritait. Pas quitter mon devant et nous. Merci Seigneur, merci papa, parce que retirez dans la boue péché. Et nous prions Seigneur Dieu, pour vos yeux sous l'autre yo, qu'a fait ça qui pas bon dans la rue, ça fait ça qui pas bon dans l'église, côté au marché. Changez cœur, même j'en changez cœur, Seigneur. Alléluia, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Nous ne pouvons pas tuer mon encore. Nous ne pouvons pas écouter l'angle encore, Seigneur. Nous ne pouvons pas faire mon père du travail. Nous disons merci pour ça, papa. Nous ne pouvons pas voyer à l'Haïti pour nous. Pour changer nous net. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur.